Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio entièrement consacré aux arts visuels à Québec sur les ondes de CKRL 89.1. Myriam Leland à la co-animation, accompagnée de Gentiane Lafrance. Bonsoir, Gentiane. Bonsoir, Myriam Leland. Et ce soir, Myriam, tu reviens sur ta visite de l'exposition « Teneux et le sublime » qui est présentée au Musée national des beaux-arts qui vient de rouvrir. Oui, exactement. Donc, quand j'ai su qu'on pouvait réserver nos places pour la première journée, je l'ai faite immédiatement. Donc, j'ai eu la chance d'aller voir cette exposition-là mercredi le 10, donc la première journée de réouverture du musée. J'ai bien hâte de t'en parler. J'ai beaucoup aimé ça. Moi, j'ai attendu un peu trop avant de faire ma réservation, donc je vais aller visiter l'exposition dans 2 semaines. Et puis, il y a notre chroniqueur Mathieu Bouchard qui s'est entretenu avec Marie-Christine Mathieu, qui dirige la collection Phosphore aux presses de l'Université Laval. Et ensuite, toi et moi, Myriam, on va s'entretenir à propos de la nouvelle plateforme Art Traduction, donc qui a été mise sur pied par la Galerie 3, pour promouvoir les artistes émergents du Québec, donc une nouvelle galerie pour acheter et découvrir des artistes émergents québécois. Et ben, moi, je suis allée faire un tour à l'exposition qui accompagne l'inauguration de leur nouvelle plateforme, donc on va pouvoir échanger en deuxième partie d'émission. Ce soir, Simon Roy nous fait pratiquer notre arabe, donc paru il y a à peine 2 semaines. Camille Manx est le 5e album studio du musicien électronique palestinien Moukata. Donc, l'album combine des extraits de radio live, de percussions, de synthétiseurs, des enregistrements divers qui donnent des rythmes puissants, abstraits, qui rappellent un peu le glitch. La première pièce qu'on va écouter est comme un peu inquiétante, même ça crée vraiment des atmosphères sonores. Puis le titre de cet album-là, qui est Camille Manx, et en arabe, ça signifie un tout imparfait ou un parfait imparfait qui représente un peu la manière de fonctionner du musicien. Donc, on se laisse tout de suite avec un extrait de la pièce Kbar Mamila. Et au retour, je vous parle de l'exposition Teneux et le sublime. Thank you. Alors, nous sommes de retour à l'aérospatiale et avec la réouverture des musées, des galeries, on a beaucoup à dire, beaucoup à voir. Et Myriam Leland, tu es allée au Musée national des beaux-arts du Québec, évidemment, pour aller voir l'exposition qui est consacrée à Joseph Mallord William Turner, de tout son nom, qui est un peintre, aquarelliste et graveur britannique. Et son œuvre a été vraiment marquée par une recherche innovante qui l'a élevé au rang de maître du mouvement romantique, notamment à cause de son traitement des ambiances, des ciels, de la lumière. Et je pense aussi, Myriam Leland, que le traitement de la lumière au sein même de la muséographie dans cette exposition-là au Musée national des beaux-arts du Québec est assez impressionnante, là, à ce que j'ai entendu dire. Tout à fait, entre autres par moi, hors d'enregistrement. En fait, c'est ça. L'exposition Turner et le sublime, c'est une exposition qui est organisée en collaboration avec la Tate de Londres, donc à partir de ce qu'on appelle le Turner Bequest. Donc ça, c'est le legs, en fait, que Turner a fait à la nation anglaise à son décès en 1851. Donc, c'est ce qu'on appelle un fonds d'atelier. C'est vraiment tout ce qui se trouvait dans son atelier à son décès. Et Turner était un artiste très méthodique, si je peux dire comme ça. Donc, il y a énormément d'esquisses, de croquis, d'œuvres qui ne sont pas encore terminées, qui... Pour être franche, on a l'air terminé parce que le souci du détail est assez impressionnant. Mais bref, on a accès à vraiment tout ça, ce qui nous permet vraiment de voir aussi la manière dont Turner travaillait. C'est une des choses que j'ai trouvées intéressantes de cette exposition-là. Puis, donc, on a accès au processus de l'artiste. Et Turner, il travaillait beaucoup sur le motif là, pour avoir des traitements de paysages aussi vivaces. Exactement, c'est ça. Donc, il y a vraiment un beau mélange de travail sur le motif, de travail sur le terrain, mais aussi d'imagination. Il a fait beaucoup de... En fait, Turner avait... On l'apprend dans l'exposition ou dans les cours d'histoire de l'art, si on a fait... Ce parcours-là, Turner avait vraiment cette ambition-là d'élever la peinture de paysage au même rang que ce qu'on appelle la peinture d'histoire. Donc, en fait, ce sont des tableaux des grands moments, soit bibliques ou mythologiques ou historiques. Et Turner voulait que le paysage, qui était comme un second genre, soit élevé au même rang. Donc, il y avait plusieurs paysages comme imaginaires, des paysages justement bibliques et tout ça, mais qui sortaient un peu des codes de la peinture d'histoire. Bref, tout ça pour dire que c'est principalement une exposition sur le paysage, on va le comprendre. Un peu architecture aussi, parce que c'est à l'époque romantique, c'est le sublime, donc les magnifiques ruines de châteaux, les flèches d'église qui s'élancent dans un ciel embrasé du coucher de soleil. C'est très romantique, le mot romantique s'applique, ça c'est sûr et certain dans tous les sens du terme. Mais où je voulais en venir et tu m'as tendu une perche au début de ce segment-là, c'est la muséographie de cette exposition-là, ce qui, selon moi, en fait quelque chose d'unique, parce que Turner, c'est Turner, c'est romantique, c'est très beau, c'est du paysage, donc pour des gens qui ont peut-être un intérêt qui se loge plus dans les arts actuels, dans l'art qui est plus conceptuel et interrogatif, qui provoque des réflexions. C'est sûr que peut-être que Turner ne serait pas leur premier choix, mais le traitement qui est fait des œuvres par la muséographie est vraiment... Ça sincèrement, c'est un chef-d'œuvre, là. C'est vraiment super bien fait. Puis comme je te disais, hors d'onde, hors d'enregistrement, je trouve que c'est pas une exposition, c'est vraiment une mise en scène des œuvres de Turner, qui est faite entre autres avec la lumière, justement, cet éclairage-là qui est fait de main de maître. Il y a des super paysages. Turner était excellent, justement, surtout dans ses huiles, je trouve, pour avoir des points de lumière qui semblaient être justement extra-éclairés, si je peux dire. Donc, comme s'il y avait un éclairage à l'extérieur de la toile, mais tout ça est compris dans la peinture, là. Et là, l'éclairage que le musée, ben le musée, que l'équipe derrière cette exposition-là a fait vient accentuer vraiment ces points de lumière-là, surtout dans les huiles, encore une fois, parce que ben, il y a ce lustre-là qui vient avec une peinture à l'huile. C'est vraiment, je trouve, les peintures qui ressortent le plus en elles-mêmes, là. Donc, le reste fait un très bel ensemble, mais c'est vrai que les huiles ressortent tellement bien comme pièce unique. Puis, une autre chose que j'ai aimée beaucoup dans la muséographie, ben d'abord, les murs sont tous très foncés, sont peints d'un genre de bleu marin presque cendré, mat. Puis, ça, avec l'éclairage qui est fait, ça crée presque quelque chose de spectral, en fait. C'est comme si les œuvres flottaient. Puis là, il y avait ce gros spot de lumière-là. Ça fait presque comme une révélation. C'est vraiment impressionnant, surtout dans les premières salles qui sont composées d'un peu plus d'huile, justement. Les salles suivantes, on a un beau mélange d'aquarelle, gouache et huile, puis des œuvres d'un peu plus petit format aussi. Donc, on a peut-être moins cet effet-là de spot. C'est presque mystique comme expérience, là. Ça se rapproche justement de cette idée romantique de l'art où l'art venait en quelque sorte remplacer une expérience mystique ou religieuse. Oui, c'est ça. Ben, puis la littérature romantique, pour ceux qui sont moins familiers avec ça, ben, on a les Frankenstein, le château d'Otrante, tout ça. Donc, les histoires de fantômes, c'est vraiment à l'époque du romantisme que ça gagne une place particulière dans la littérature, dans ce genre-là. Je trouve que c'est quelque chose qui est rappelé vraiment par l'exposition, justement. Puis, une autre chose qui vient ajouter à cet effet spectral-là un peu, ce sont les panneaux de textes didactiques qui sont, en fait, les textes sont imprimés sur des moustiquaires qui sont encadrés dans un bois qui est teint, un genre de gris cendré, encore une fois. Puis, c'est comme si ça nous faisait des fenêtres sur le reste de l'exposition. Il y a même un moment où on a deux panneaux dos à dos, mais comme ce sont des moustiquaires, si on est une personne devant chaque panneau, tu te demandes presque, est-ce que c'est un miroir? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça a presque l'air d'un fantôme, justement. Puis parfois, il y a ces mêmes cadres-là qui sont rappelés, mais vides. Donc là, on regarde, on se dit, encore une fois, est-ce que c'est un miroir? Est-ce que on voit dans la salle d'à côté? Donc, il y a vraiment ces jeux de perspective-là qui créent un Encore. peu, justement, comme les scènes de déambulation dans les châteaux, dans les romans romantiques, justement, là, on ne sait pas trop où cette porte-là mène. C'est vraiment très bien fait comme parcours d'exposition. Donc, un travail sur l'espace qui est presque spectral. Oui, ben, c'est ce que je trouve. Puis, ben, je pense que je pourrais en parler pendant encore très longtemps, parce que comme vous pouvez l'entendre, j'ai vraiment adoré cette exposition-là. Ma seule critique, en fait, c'est que je l'ai trouvée peut-être un tout petit peu trop longue. Mais je comprends en même temps, c'est une exposition blockbuster. On a un legs d'un artiste aussi important que Turner. On veut le mettre à profit. On veut prendre chacune de ces pièces-là. Mais j'avouerai que vers la fin, j'en avais beaucoup vu. Puis, je vous laisse la surprise des trois expériences, disons, multimédia qui sont très immersives, on va dire ça comme ça, mais je ne veux pas voler de punch, vous n'aurez pas le choix d'aller la voir comme ça. C'est disponible jusqu'au 2 mai au musée et comme Jean-Tienne l'a mentionné, il faut absolument réserver d'avance et ça se remplit très vite. Donc, c'est plein la plupart du temps une semaine d'avance. Donc, prenez le temps d'aller sur le site web du Musée national des beaux-arts du Québec pour réserver votre place pour aller voir Turner et le Sublime. Et nous, on prend une pause musicale avec la pièce Cheyenne. Fa Cheyenne. Et au retour, c'est notre chroniqueur Mathieu Bouchard qui s'est entretenu avec Marie-Christiane Mathieu à propos de la collection Phosphore. Marie-Christiane Mathieu, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Vous êtes la directrice de la collection Phosphore qui est publiée dans les presses universitaires de l'Université Laval. Ma première question, c'est en fait, c'est pour savoir c'est quoi qui vous a poussé à commencer la collection Phosphore? Ben, en fait, il y a plusieurs années, je dirais autour de 2011, je crois, Richard Mill, qui était professeur à l'école d'art, a pris sa retraite et il avait laissé un fonds. Chaque professeur reçoit chaque année un montant d'argent pour l'achat de livres, matériel pédagogique. Richard n'avait pas tout dépensé et moi, j'ai suggéré, vu que ça retournait au professeur, j'ai suggéré qu'on mette ça dans un livre, une publication sur la notion de l'objet et par le fait même d'inviter les professeurs à venir écrire un texte sur la question de l'objet. Avant ça, j'avais quand même débuté une recherche. Ben en fait, moi, j'étais nouvellement embauchée à l'université. Donc, j'avais commencé un projet qui s'appelait La Maison, la non-maison. J'avais commencé à faire une maquette de livre. Et puis, la question, c'était, dans le cadre universitaire, on nous demande de faire de la recherche, mais il y a très peu de moyens de diffuser cette recherche-là. Surtout au niveau des articles, on nous demande d'écrire, on nous demande de publier, mais en tant qu'artiste, professeur, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut envoyer des manuscrits où c'est très long, où ça se fait souvent en Europe ou par l'entremise de maisons d'édition. Alors, je pense qu'il y avait un besoin là. Et donc, par la suite, on a publié l'objet. Et puis, par la suite, on a publié la maison. Et il y a eu un enchaînement, en fait. Suzanne Leblanc a proposé un autre livre qui était Menlo Park, trois machines uchroniques, oui. Donc qu'elle allait faire avec Olivier Asselin et David Thomas. Donc on a publié ça aussi. Et alors là, on est rendu à notre sixième publication depuis 2012. En fait, le premier lancement, je pense, a eu lieu en 2014 que je voyais ça, sur Internet. Oui, le temps de tout mettre ça en branle. Mm-hmm. Donc, l'objectif, c'était vraiment d'avoir une infrastructure qui facilitait la publication des idées un peu des professeurs, surtout de l'Université Laval? C'était ouvert, en fait. C'est ouvert, oui. Je n'étais pas fermée à l'idée d'avoir des professeurs de l'extérieur ou même des artistes. Là, ce n'était pas fermé nécessairement au milieu de la recherche universitaire, mais de la recherche-création. Et on le voit dans plusieurs des publications, il y a des artistes qui ont contribué. Effectivement, comme David Thomas, ce n'est pas un professeur de l'Université Laval, c'est un professeur universitaire ailleurs. Il était à l'UQAM. Olivier Asselin est à l'Université de Montréal. Il y a aussi des professeurs de Concordia qui ont collaboré. Il y a la poétesse Chantal Neveu qui a aussi contribué. Il y a Jacques Perron. Jacques Perron, qui était un artiste qui est maintenant plus un théoricien, qui a participé aussi. J'ai aussi Georges Tessot, professeur en architecture. Donc, l'idée, c'était de mettre ensemble aussi des compétences des gens qui allaient aborder un problème de différentes façons. Donc, il y a tout l'aspect multidisciplinaire aussi, je pense, qui est assez important dans la collection, parce que vous me parlez de poète, vous me parlez de théoricien, vous me parlez d'architecte. Puis est-ce que c'est quelque chose de primordial pour vous? C'est pas primordial, mais c'est que si on aborde un sujet, si on aborde, disons, le sujet de la maison, et là, quand je parle de la maison, je ne parle pas de la maison, oui, mais maison, qui est la non-maison, là, on peut aller chercher toutes sortes de théoriciens ou d'artistes qui ont réfléchi sur la notion d'habitation. Donc, c'est un peu ça qui va motiver la direction que vont prendre les ouvrages. Puis la place de la théorisation de ces idées-là, des idées qui sont présentes en art, ça, c'est pas quelque chose qui a beaucoup, qui est pas très présent à Québec en particulier. Là, c'est le fun de voir ça dans une collection qui est à l'Université Laval. Est-ce que ça aussi, c'était quelque chose que vous vouliez absolument faire exister avec Phosphore? Oui, en fait, c'est pas la théorie absolue, là. C'est ouvert, hein? Donc, Les théoriciens théorisent, les artistes théorisent aussi, mais ils vont aborder les problèmes d'une autre façon. Je pense que oui, c'était important parce que dans le fond, on ne reçoit pas de budget, là, on ne reçoit pas encore de subventions du gouvernement. Donc, c'est souvent les budgets, c'est tiré des budgets de recherche des professeurs. Je pense que à part le premier, là, l'objet là, qui a été financé par Richard Mille, le fonds Richard Mille, ça vient tout des petits montants qu'on prend dans nos budgets de recherche. Et bien souvent, on va compenser avec notre propre argent ces budgets-là, là, la production de ces ouvrages-là. On se laisse pour une courte pause publicitaire et on écoute la suite de cette entrevue entre Mathieu Bouchard et Marie-Christiane Mathieu après la pause.